هنا مسألة وفائدة التوفيق ما هو للتوفيق للتوفيق qu'on traduit souvent par réussite ou succès من حيث العقيدة c'est pas comme les gens l'imaginent le tawfiq dès que les gens arrivent à obtenir ce qu'ils veulent ils disent tawfiqto j'ai le tawfiq il était célibataire il s'est marié tawfiqto le zawaj il était pauvre il a eu de l'argent tawfiqto le ghina il était à la rue il a une maison tawfiqto le sakan wa kadha dans la dunya واحد c'était un commerçant il avait un choix dans un commerce particulier il a pris celui qui rapportait le plus il a dit wufikto fi tijarati on dit le tawfiq shar'an c'est pas ça le tawfiq an yaj'alaka Allah fa'ilan li ou يجعلك الله قائما بفعل داخل في إرادته الشرعية c'est que Allah t'a permis d'accomplir une chose ibadah طبعا en conformité avec sa volonté liée à la législation قائما بفعل بفعل داخل في مشيئته او بل عفوا ارادته الشرعيه ارادته c'est à peu près hein. Là j'ai pas le on peut trouver plus court là, ce qui vient en tête le marana tu vois قائما بفعل داخل في ارادته الشرعيه ارادته الشرعيه on va le prendre plus tard ان إرادة الله على قسمين لا فورت الله دو دو سورت شرعية وكونية شرعية وكونية الشرعية سي لاكيل سي سيل كو الله ام سيل كو الله ام اي اتون دو نو مي ايل نا با فورسيمون ليو علي بكوا دو نو دي زوم Est-ce qu'ils le font? Non. Donc Allah veut cela. Il nous a créé pour cela. Pourtant, peu d'entre nous le font. Et ça, ce peu d'entre nous qui le font, ça revient à quoi? À la, ou plutôt le fait que la plupart des gens ne le font pas, ça revient à quelle volonté la deuxième? Al-Kawniya, universelle. C'est-à-dire que c'est Allah, il a voulu que ça aurait lieu, et ils n'aiment pas forcément. Ils sont obligés que ça ait lieu. C'est une chose qu'Allah veut, qui n'aime pas forcément, mais elle a forcément lieu. Et bien toi, le tawfiq, c'est le fait d'avoir accompli ce que Allah aime. Ce que Allah, il aime. Car ce que Allah, il aime, n'a pas forcément lieu. Et bien là, c'est lieu pour toi. Donc c'est quoi ça? Tawfiq. Allah, tawfiq. Quel que soit l'acte que tu as fait, que tu te proches d'Allah Azzawajal, tu l'as fait qu'Allah il aime, ou fait que tu as fait. C'est comme ça qu'il faut comprendre le tawfiq. Parce que tu peux te marier avec une femme, et après tu as des problèmes. C'est-à-dire, ou fait que toi. Tu peux avoir un tijara, comme on a dit, tu as de l'argent, et après, tu changes à cause de cet argent-là. Ou fait que toi. Tu peux avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, tu es à la rue, tu as une maison. Cette maison, tu fais du haram. Alors dans la rue, tu ne pouvais pas faire le halam parce que tu étais... On va dire, où fais-tu ? Là, c'est les trucs de dunya, ça. « Amma adil ashiyat akum biha min al-ibadat ou kalina mou fais-tu ? » Pourquoi ? Elle te rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. « Hada wa tawfiq. »« Hada wa tawfiq. » Attention lorsque les gens disent « Où fais-tu fi kaza, où fais-tu fi kaza ?» Tu dis, tu ne sais pas. Si c'est un khair derrière, naam. Si ce n'est pas le cas, tu diras, ben finalement, c'était pas un khel pour moi. Donc, c'est pas un tawfiq. C'était pas un tawfiq.